Ces jours-ci, l'administration de Trump suscite l'opinion publique autour de la possibilité de la nouvelle disposition des armes nucléaires tactiques en Corée du Sud et du développement de la mini-bombe nucléaire dernier cri. À ce propos, le porte-parole de l'Institut des États-Unis près le ministère des Affaires étrangères de la République populaire démocratique de Corée a répondu le 15 septembre aux questions posées par l'Agence télégraphique centrale de Corée. Il note « Ces jours-ci, les médias américains comme la NBC informent que l'administration de Trump examine des projets variés pour le développement de la mini-bombe nucléaire à faible intensité dernier cri pour faire face à la menace nucléaire de certains pays comme la Corée du Nord et la Russie et prend la position de ne pas exclure le projet de la nouvelle disposition des armes nucléaires tactiques en Corée du Sud au cas où le gouvernement sud-coréen le demande. La démarche de l'administration de Trump qui suscite l'opinion publique autour du problème des armes nucléaires tactiques au moment où elle recourt plus que jamais aux sanctions et pressions cruelles et à la menace militaire contre notre République est un acte extrêmement dangereux avertissant la provocation d'une guerre nucléaire réelle dans la péninsule coréenne. Rappelons que depuis les années 1950, les États-Unis ont introduit un millier d'armes nucléaires en Corée du Sud pour la transformer en base avancée de guerre nucléaire et produire ainsi le problème nucléaire de la péninsule coréenne, et ils ont recouru à la menace et au chantage nucléaire contre notre République. Même après la déclaration d'avoir retiré les armes nucléaires de Corée du Sud, devant le soutien international multiplié à la juste politique antinucléaire et favorable à la paix et aux efforts sincères de notre République au début des années 1990, les États-Unis n'ont pas cessé la menace et le chantage nucléaire à l'aide de toutes sortes de biens nucléaires. Il faut rappeler une fois de plus que la menace et le chantage nucléaire continus des États-Unis et leur politique envers notre pays sont les facteurs principaux qui nous ont poussés à posséder et consolider les forces armées nucléaires autodéfensives. Surtout, la tentative américaine de réintroduire dans la péninsule coréenne l'arme nucléaire tactique présupposant l'emploi dans le combat réel au-delà de l'effet d'une simple dissuasion révèle telle quelle l'ambition sournoise des États-Unis de déclencher à tout prix une guerre nucléaire en Corée. La tentative américaine d'introduire l'arme nucléaire tactique en Corée du Sud et de développer une bombe nucléaire de petite taille dernier cri vise notre République et aussi bien les adversaires stratégiques de la région. Elle aggravera la tension dans la péninsule coréenne et la région et entraînera la course acharnée aux armements. La menace nucléaire de plus en plus grave des États-Unis nous pousse à développer et à accélérer la disposition pour le combat réel au niveau suprême, sans un moment d'arrêt, à la plus grande vitesse, tous les moyens de riposte, y compris l'arme nucléaire tactique. Les États-Unis qui ont engendré le problème nucléaire dans la péninsule coréenne et amènent sans cesse le duel nucléaire coréen-américain à l'étape d'explosion prendront toute la responsabilité de leur démarche.